vis encore. Comment n'ai-je pas été brisé par les étreintes horribles de la manfère qui m'avait saisi? Quelle nuit! Au milieu de ces tortures, j'ai dû pousser des cris. Horatio m'aurait-il entendu? Pauvre Horatio. Je crois l'entendre encore si calme et si tranquille, hier à son piano, de sa voix la plus douce, poète insoucieux des passions cruelles, il chantait sa ballade favorite. Il y a 5 ans qu'Horatio me dit cette ballade de Goethe et que j'en fis la musique. Si je sprach zu ihm, sie sang zu ihm, was lockst du meine Brut mit Menschenwitz und Menschenlies hinein? Halb sank hin. persistance d'un souvenir. Hélas, Sévère ne semble-t-il pas me dire que je dois vivre encore ? Vivre. Mais vivre pour moi, c'est souffrir. Et la mort, c'est le repos. Hamlet, profonde et désolante conception, que de mal tu m'as fait. Et pourtant, j'y reviens sans cesse. Qu'il est beau, vrai et pénétrant ce discours du spectre royal, dévoilant au jeune Hamlet le crime qu'il a privé de son père. Il m'a toujours semblé que ce morceau pouvait être le sujet d'une composition pleine d'un grand et sombre caractère. Son souvenir m'émeut en ce moment plus que jamais. Oui, je l'entends. Une instrumentation sourde. Une harmonie large et sinistre. Mélodie, un chœur en unisson et octave, semblable à une grande voix, exhalant une plainte menaçante pendant la mystérieuse solennité de la nuit. Oh, Shakespeare, Shakespeare, quelle trace éblouissante a laissé ton génie. Et pourtant que tu es peu compris, de grands peuples t'adorent, il est vrai, mais tant d'autres te blasphèment, sans te connaître, sur la foi d'écrivains sans âme. Malédiction sur eux, ils font à l'art un ridicule outrage. Oh, une pareille société pour un artiste est pire que l'enfer. J'ai envie d'aller dans le royaume de Naples ou dans la Calabre, demander du service à quelque chef de bravi, dussé-je n'être que simple brigand. Voilà la vie! Maintenant aux rêves les plus enivrants. La porte de l'enfer, repoussée par une main chérie, se referme. Je respire plus librement. Une brise harmonieuse m'apporte de lointains accords. mon Dieu, mon univers. Que ne puis-je la trouver, cette Juliette, cette Ophélie que mon cœur appelle? Que ne puis-je m'enivrer de cette joie mêlée de tristesse que donne le véritable amour? Et, un soir d'automne, m'endormir enfin dans ses bras d'un mélancolique et dernier sommeil. L'ami témoin de nos jours fortunés creuserait lui-même notre tombe au pied d'un chêne, suspendrait à ses rameaux la harpe orpheline qui, doucement caressée par le sombre feuillage, exhalerait encore un reste d'harmonie. Thank you. Mais pourquoi m'abandonner à ces dangereuses illusions? Oh, musique, maîtresse fidèle et pure, ton ami, ton amant t'appelle à son secours. Pourquoi réfléchir, écrivant ne fût-ce que pour moi seul? J'y pense. Cette fantaisie sur le drame de la tempête dont le plan est déjà esquissé, je puis l'achever. Allons, que les esprits chantent et flâtrent, que la tempête gronde, éclate et tonne, que le monstrueux Caliban danse et mugisse, que Prospero commande en menaçant, que Ferdinand soupire et que Miranda sourit tendrement. Oh. Thank you. Adieu, mes amis. Je suis souffrant. Laissez-moi seul. Encore